j'avais sous les yeux des images défilantes, comme des étoiles et des quartiers de lune, des ecchymoses l'été, des solstices en hiver. Au commencement, octobre, mois coloré, mais sa colère est noire dans l'ex-capitale rouge. Marie avait les yeux qui brillent. Elle danse sur le feu. Elle épuise son regard. Elle s'était endormie dans ses bras, toujours trop beau. Là, cet hôtel me dépasse. Il est peut-être déjà venu. Mon mari sait faire semblant. Faire semblant. Quand elle est, elle ne sait pas mentir.